Chapitre 28e. L'état moral de Georges Fritz n'était guère moins alarmant. Retiré dans un chalet de la Suisse, il assistait tristement, pendant les pâles journées d'automne, à la mort de la nature et à celle de son cœur. Son amour était né au printemps avec les feuilles vertes et il tombait avec elles. Le jeune docteur ne pouvait retirer sa pensée de celle de Pulcherie. Il pleurait à se promener seul au fond des bois incultes qui lui rappelaient les forêts du Berry. Il tomba malade du mal du pays, car le pays n'est pas où nous sommes nés, mais où est la femme que nous aimons. Il avait bien essayé de se débarrasser de cet amour, mais il reconnut bientôt qu'il lui serait plus facile de se débarrasser de la vie. Il se résigna donc à mourir peu à peu, afin que cette folle passion s'éteignît avec lui, et que le comte de B rentrât désormais en toute liberté sur la main de sa fille. Tel était le sort de Georges et de Pulcherie. Ils avaient, pour ainsi dire, mal l'un de l'autre. Il fallait de toute nécessité les rejoindre ou se résigner à les voir mourir. Le comte était père. Il avait su céder à ses préjugés excusables et prêter une oreille trop complaisante à ce que l'on nomme l'honneur d'une maison. Mais il aimait sa fille. Et la voyant retomber dans un état si déplorable, il écrivit à M. Fritz de revenir en toute hâte.